toujours dans la course, enfin, en espérant finir enfin. Je cours mieux que mon voisin, c'est l'être humain, on n'y peut rien. C'est moi qui serai le premier, je serai le préféré, le bien payé. Je vous apprends rien, pensez-vous pas courir pour rien. La course est partie, on t'y entraîne depuis tout petit. Faut se méfier de son voisin, c'est ton pire ennemi. La magouille est légalisée, quand je fais moins de vin et qu'on fourrait. Dans la course sans succès, c'est sur les doigts qu'il faut marcher. Mais toi tu ne vois rien, tu cours derrière comme un crétin. Tu persévères en vain, l'espoir fait vivre, ça c'est certain. Cette compète là, faut la gagner, faut que tu l'aimes, faut mépriser. T'es tellement motivé que tu crois encore que tu peux gagner. Mais mon pauvre gars, tu ne seras jamais le premier. Le sais-tu pourquoi nous sommes déjà bien loin devant toi? Tu ne les vois pas, ils roulent en limousine en jet privé. Ils ont déjà gagné, laisse donc tomber, la course change de combat. Mais moi je sais pas courir, je traîne pas. Société intoxiquée par la méchance, les préjugés, les puissants forgent la haine et profitent de ta peine. Mais ça n'ira pas bien loin, tout le monde s'énerve, tout le monde se plaint, tout le monde lève son poing, mais chacun dans son coin. Cours, cours, cours, tu vas te faire doubler, ouais, cours, cours, cours, tu vas te faire bouffer. Un jour viendra le ras-le-bol général, et là ça va faire mal quand ton nom à marbre c'est pour dalle. Et d'avoir la dalle, mais tant qu'on continue à se pourrir, qu'on n'arrête pas de mentir, un jour le groupe entier cessera de mourir. Plus rien ne marchera, l'économie se paralysera, tout dans la rue. Je comprends toi, tu comprends moi, plus rien ne marchera. On ne s'aimera pas, on ne bougera pas, tout dans la rue. Verrons que sans nous ça marche pas. Hey, hey. Ouais, je voudrais bien les voir, sans leur main de sang, leur pouvoir bosser sur un chantier. La caisse dispersée, wow. Je voudrais bien savoir ce qu'ils penseraient après trois pétards. Quand tous les jours tu vas bosser pour que ça parte en fumée. Mais apparemment, les gens honnêtes préfèrent courir. C'est tellement plus facile que de nous voir tout reconstruire. Et ça n'ira pas bien loin, tout le monde s'énerve, tout le monde se plaint, tout le monde lève son poing, et chacun dans son coin. Alors cours, ouais cours.